Chapitre 12. Le réveil de Pépin. Brisé d'amour, près d'Alix un peu lasse, le roi Pépin rêve et dort lourdement. Déjà le ciel pâlit, c'est le moment. Berthe au grand pied va réclamer sa place. Trop tard, hélas, le destin s'accomplit. Alix dira « Que veut cette importune ?» Et Berthe enfin n'aura d'autre fortune que d'insister, pleurante, au pied du lit. La pauvre enfant n'y sera point admise. Même Pépin, s'il s'éveille en sursaut, pour n'avoir pas tout à fait l'air d'un sot, doit croire Alix, puisqu'elle est en chemise. Et cependant, que la serve au cœur vil, songe aux détails que sa fraude comporte. La douce Berthe ouvre déjà la porte, sans se douter qu'elle court grand péril.